faudrait assumer. C'est bien de se sentir fort, intouchable. Dans la vraie vie, est-ce que ce serait la même? C'est toujours la même story. Quand le monde s'ennuie, trafiqué puis détruit tant qu'ils peuvent. Si fiers de leur connerie, frustrés, oh les pauvres. Et tout ça parce qu'ils nous envient. Contre vents et marées, notre amour sera toujours plus fort. Peu importe les tarés qui verront d'où vont nous faire du tort. Après toutes ces années, on est prêt à combattre la mort. Pas la peine d'essayer cette relation, c'est de l'or. Amusez-vous, mais tôt ou tard faudra payer. Même caché par ce gros brouillard, on va s'aimer. S'il vous plaît. Personne d'autre que moi n'est la clé de ton cœur. Si tu veux qu'on saute, je t'en prie, je n'ai pas peur. Ne panique pas, je suis prêt. Je suis prêt. Ils ne te toucheront pas, j'y veillerai. J'y veillerai. Oh, j'espère les ennemis. Fais comme si on ne les a jamais vus. Tant qu'ils pensent pas vu, pas pris. Oh non, non, non. Fais confiance à nos amis qui ont toujours fait ce qu'ils ont pu. Et prévoyons l'avenir. Oh. Amusez-vous, mais tôt ou tard faudra payer. Même caché par ce gros brouillard, on va s'aimer. S'il vous plaît. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'enlèveront jamais cette chose qui est à nous. C'est que je suis ton homme, ça ne pourra jamais changer.